Bonjour et bienvenue chez Informati. Cet appel vous sera facturé 12 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également nous contacter au 098 098 32 34 au coût d'une communication non surtaxée avec temps d'attente gratuit pour tout appel passé à partir d'une ligne Informati Box.